du 9 au 21 juillet, la radio du Thomas, théâtre d'outre-mer en Avignon, ouvre ses micros et fait résonner les voix des créateurs français originaires des Caraïbes, de Guyane, du Pacifique et de l'océan Indien. Bonjour à tous, nous sommes en direct d'Avignon au théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné pour l'émission Grand Large avec laquelle nous partirons chaque jour à la rencontre des créateurs invités à cette 21e édition du théâtre d'outre-mer en Avignon, de tous ces artistes qui sont porteurs de cette culture française des Grands Larges pendant le Festival Off d'Avignon 2018. Aujourd'hui, on vous propose un plateau un petit peu spécial autour des questions de la diffusion des spectacles en Outre-mer. Et pour échanger avec nous, six invités concernés par ces problématiques nous rejoindront. Anne Meyer, Laetitia Guédon, Léon Louis, Greg Germain, Grégory Alexander et Guillaume Gay. Avant de vous les présenter, je vous propose de revenir sur un moment un petit peu festif. Hier, le théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné faisait sa parade dans Avignon. Pacifique en 400 pas à 12h05. À 13h35, la forêt des illusions. À 15h, le sac de Lita. À 16h35, Kala. À 17h55, le corps en obstacle. À 19h40, circuler. À 21h35, les champignons de Paris. Et c'est où? À la Chapelle du Verbe Incarné. C'est où? À la Chapelle du Verbe Incarné. Bonjour Anne Meyer. Bonjour. Vous êtes comédienne et danseuse à Avignon dans le spectacle La forêt des illusions de Grégory Alexander et vous êtes également directrice de la compagnie Mastek qui cette année fête ses 10 ans. Laetitia Guédon, bonjour. Bonjour. Vous avez fondé en 2006 la compagnie 0,10. Depuis 2009, vous dirigez le festival Au Féminin à Paris et vous êtes également directrice du lieu Les Plateaux Sauvages. On avait découvert votre travail en 2008 au théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné pour votre mise en scène de Bintou de Kofi Kwaole. Bonjour Léon Louis. Bonjour. Vous êtes comédienne et en ce moment vous jouez dans le spectacle Kala au théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné et vous avez créé la compagnie Baba Siphon qui est dans le cartel des compagnies associées au Centre Dramatique de l'Océan Indien depuis 2017. Guillaume Gay va nous rejoindre dans quelques instants. Il est comédien dans le spectacle Les Champignons de Paris qui se joue tous les soirs à la Chapelle du Verbe Incarné. Il est également producteur et directeur de la compagnie Caméléon, une compagnie qui est très active en Polynésie française. Grégory Alexander, bonjour. Bonjour. Vous êtes acteur, danseur, chanteur et metteur en scène. Vous êtes également consultant et expert en ingénierie culturelle. Votre spectacle La forêt des illusions est également au théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné. Greg Germain, bonjour. Bonjour. Vous êtes aux côtés de Marie-Pierre Bousquet, le directeur du théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné. Et pendant le Festival Off d'Avignon, vous jouez dans le corps en obstacle de Gaëtan Pau, évidemment au théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné. Greg Germain, il y a 20 ans, vous avez récupéré les clés de cette ancienne chapelle désaffectée et vous avez créé le Thomas, théâtre d'outre-mer en Avignon. Pourquoi cette envie d'ouvrir un lieu assez spécifique comme celui-ci? Alors rapidement, je ne les ai pas récupérés aussi facilement. Il a fallu voir la municipalité et travailler avec elle pour essayer de lui proposer un projet qui soit structurant et structurel et qu'elle puisse comprendre aussi. C'était pour une raison très très simple. On est parti du constat, Marie-Pierre et moi-même, que la diffusion, la création aussi d'ailleurs, en ce qui concerne les Outre-mer, était singulièrement maltraitée par notre pays. Et donc il était naturel pour quelqu'un qui a un petit peu plus travaillé en France, comme moi, d'essayer de trouver un lieu qui ferait un endroit d'expression pour, pendant le temps fort du spectacle vivant en France, pour mes compatriotes d'outre-mer, et sans exclusion, ni exclusive évidemment, puisqu'il s'agissait de parler au territoire, aussi bien qu'au département. Et puis voilà, 21 ans après, je dois dire que cet endroit est toujours le seul disposé à accueillir des compagnies d'outre-mer le plus volontiers, enfin inscrit dans sa mission, mission que nous avons autodéfinie, Marie-Pierre et moi, et qui est soutenue d'ailleurs par le ministère de l'Outre-mer et de façon beaucoup plus timide par le ministère de la Culture. Est-ce que chacun, vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau de la circulation des spectacles dans vos bassins respectifs, Léon ? Alors au niveau de la circulation à La Réunion, hein. Donc je tiens à peut-être à rappeler le contexte de La Réunion, on est donc à 10 000 km de la France, entre Madagascar et Maurice, c'est donc 2500 km², un petit grain de sable dans l'océan, où il y a 900 000 personnes. Donc au niveau théâtre, il y a environ une trentaine de compagnies professionnelles pour 900 000 habitants, et ça veut donc dire qu'on essaye tous de faire tourner nos spectacles dans une dizaine de lieux environ. Donc c'est possible, mais ça nous demande d'être très très inventifs, de jouer beaucoup hors les murs, d'apprendre à aussi travailler vraiment dans les médiathèques, dans les cours d'école, avec les mairies beaucoup. Et il y a beaucoup de dispositifs pour nous aider à jouer hors les murs. Or nous, souvent, au niveau de certaines créations dites faites par la boîte noire, c'est un peu le souci, c'est qu'une fois qu'on a fait 4-5 dates avec la création Lumière, ça ne tourne plus, parce qu'à force de jouer dehors, ben on n'a pas toujours cette opportunité-là de booster. Les spectacles ont souvent deux versions, la version légère et la version dite plus lourde. C'est quelque chose qui des fois est problématique quand on souhaite s'exporter, comme on dit entre guillemets, sortir de l'île pour jouer ailleurs, et qu'on se rend compte qu'on n'a pas assez joué la création avec toute sa version complète. Anne et Grégory, comment ça se passe en Guyane ? Eh ben, en Guyane, on assiste à un climat qui se délite au niveau de la diffusion proprement dite, pour reprendre l'expression de Léon de la boîte dans des boîtes noires. C'est-à-dire qu'on est passé de 3 lieux qui diffusaient de manière très active des spectacles issus de la région et même d'ailleurs. Et 2 lieux se sont effondrés sur eux-mêmes pour des questions politiques, très souvent. Il n'y en a plus qu'un qui aujourd'hui est en mesure de diffuser des spectacles produits par des compagnies locales et par des compagnies de l'extérieur. Donc de 3 à 1 seul lieu de diffusion, c'est vraiment très compliqué, surtout que évidemment le ministère nous demande, lorsque nous demandons des aides à la création, d'honorer un certain nombre de dates. Que sur ce territoire, nous ne sommes pas en mesure de fournir. Alors après, il faut inventer des nouvelles façons de diffuser, effectivement. Alors on n'est plus dans des contextes de boîte noire, dans des formes légères, effectivement. Mais là aussi, les municipalités, les collectivités locales sont assez frileuses, je dois dire, en Guyane. Donc c'est compliqué. C'est toujours à réinventer. Voilà, il faut désenclaver la pensée, désenclaver également la création par le biais de la mutualisation des moyens entre structures. Et il y a quelque chose, en effet, le seul lieu qui reste en Guyane est en train de penser une voie de développement par ce biais-là, parce que c'est aussi une réponse. Ça permet d'irriguer le territoire lui-même et en même temps de générer du lien avec d'autres espaces culturels. Donc c'est vrai que les crises amènent également des ressources assez fortes au niveau des acteurs. Guillaume Guay, comment ça se passe en Polynésie française ? C'est un peu particulier en Polynésie française. Le théâtre est une discipline artistique émergente. Enfin, non pas qu'il n'y ait jamais eu de théâtre en Polynésie, loin de là, mais au-delà de ça, il y a vraiment... C'est une discipline qui est en train de se structurer, qui est en train de se mettre en place. Déjà, il y a de plus en plus de Polynésiens de souche, hein, j'entends, qui viennent au théâtre en grand nombre. Et puis de plus en plus de Polynésiens aussi qui s'adonnent au théâtre par la voie de l'audiovisuel aussi. C'est-à-dire qu'il y a une professionnalisation en fait de l'activité par la voie de l'audiovisuel. Et donc des comédiens et comédiennes qui aujourd'hui montent sur les planches et puis ont vraiment plein de choses à exprimer. Au-delà de ça, nous n'avons aucune subvention, ni à la création, ni à la diffusion, puisqu'il n'y a pas de structure de diffusion du tout, aucune. Donc nous sommes dans l'obligation totale de pourvoir financièrement en fait, à nos créations et à la diffusion de nos spectacles en Polynésie. Avec une difficulté supplémentaire, puisque la Polynésie, c'est une bonne centaine d'îles. La majorité de la population est concentrée sur Tahiti, mais il y a énormément de population aussi sur d'autres îles éloignées à 200, 300, 1000, 4000 kilomètres. Donc là, par contre, on a trouvé, en tout cas avec notre dernière création, Les Champions de Paris, qui a trait aux essais nucléaires et qui a donc un retentissement particulier en Polynésie. On a trouvé soutien auprès du ministère de la Culture et auprès de l'État pour pouvoir aller diffuser le spectacle dans les îles en gratuité pour la population. On est allé jouer aux Marquises, à Nukuiva, Iva, Wapo. On va aller jouer près des champs de tir à Mangareva, Ao. Mais voilà, avec des ressources financières qui nous sont allouées, qui sont précieuses, mais minimes. Et notre dernière tournée aux Marquises, la compagnie a investi pour aller jouer là-bas. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment une volonté de notre part d'aller porter cette parole auprès des populations isolées, mais à nos frais, c'est-à-dire que ça nous coûte de l'argent, en fait. Voilà, ici pour venir en Avignon, on a eu aussi le soutien, et je les en remercie, et du pays et de l'État. On est accompagné, très bien accompagné par la compagnie locale RTT Inuit, dont je rejoins ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on est obligé de trouver des solutions palliatives, donc des acteurs privés qui s'investissent auprès de nous, auprès de notre projet. On a une quinzaine, une vingtaine d'acteurs privés, de mécènes, de gens qui viennent soit diminuer nos charges, soit nous apporter un peu de numéraire pour pouvoir créer. Et la grosse difficulté, c'est de pouvoir tenir un propos qui soit intéressante, qui ne s'inscrive pas dans quelque chose de commercial, puisque bien évidemment, s'il n'y a aucune ressource ni pour la création, ni pour la diffusion, ça veut dire que les compagnies sont tentées d'aller vers ce qui est le plus rentable, entre guillemets, donc des choses qui vont attirer le spectateur pour pouvoir se rémunérer, pour pouvoir vivre, pour pouvoir subsister. Et voilà. Et donc, c'est forcément, d'une certaine manière, en fait, j'irais aplanir en fait, les propositions culturelles. Et puis, on n'a pas de statut non plus, donc il n'y a pas de statut d'intermittent. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas de possibilité d'être en période de création et de pouvoir être rémunéré. Donc, voilà, on ne fonctionne qu'en tant qu'entrepreneur privé et avec les difficultés dont je viens de parler. Laetitia, vous êtes une des rares femmes martiniquaises directrice de lieu. Est-ce que vous recevez, vous, des propositions de spectacles qui viennent d'outre-mer? Et qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça, que certaines personnes n'ont pas justement des espèces de créations comme vous proposez à Paris dans le 20e arrondissement? Alors, c'est vrai que déjà, on peut que être tous autour de la table assez choqués de savoir qu'il y a des différences de traitement et notamment sur les moyens immédiats. Moi, j'ai quelques propositions. J'en ai pas encore beaucoup parce que le lieu est très jeune. Donc, je pense qu'on n'est pas forcément identifié. On est aussi une structure qui accueille en co-réalisation. Donc, on n'est pas coproducteur. On fait pas d'apport en numéraire. Donc, c'est pour le moment, en tout cas. Donc, c'est assez complexe d'accompagner des compagnies de ce point de vue-là. À Paris, nous, on a effectivement l'exposition qui est évidente. Après, ce qu'on essaye au Plateau Sauvage, en tout cas, de questionner, c'est le temps. Parce qu'il y a aussi ce projet a été construit pour vraiment essayer d'accompagner les compagnies dans le développement de leur projet, dans la question du temps, dans la question de la résidence, dans la question de la non-efficacité. Et c'est vrai que forcément, il y a aussi le nerf de la guerre qui est cet apport en numéraire, ce soutien qu'on ne peut pas encore assumer, mais qu'on souhaite faire. Et bien sûr que nous, on est complètement ouverts à toute compagnie ultramarine ou autre. Plusieurs choses malgré tout. On s'est aperçu avec ce tour de table que les histoires étaient singulières, mais à la fois aussi semblables. Singulières parce que chaque département ou territoire est différent. Guillaume Gay, qui a parlé de la Polynésie, c'est 5000 kilomètres, plus grand que l'Europe. La Guyane, dont a parlé Grégory et Madame Meyer, c'est un des plus grands départements de France, situé en Amérique latine. Avec une population créole française qui devient de plus en plus marginale, puisqu'il y a beaucoup de Brésiliens, beaucoup de Bushilingués, tout le monde ne parle pas bien la langue. La Réunion dont a parlé Léon est un territoire qui est perdu au milieu de l'océan Indien, mais qui certes se développe plutôt pas mal. Ce que je veux dire par là, c'est que cette singularité, malgré tout, pour moi, entraîne une espèce de désaffection de nos pouvoirs publics. Nous sommes tous autour de cette table, des Français. Certains l'ont souhaité, d'autres ne le souhaitent pas. Mais enfin bon, la vie est comme ça. Nous sommes Français et nous ne sommes pas traités comme les autres Français. Et ceci est anormal. C'est un petit peu ce qui a présidé à la naissance de la chapelle du Verbe incarné. C'est d'abord un sentiment de révolte, un sentiment de revendication aussi, et de dire, bon ben, nous devons prendre nos affaires entre nos mains, même si mes compatriotes français, puisque j'ai fait l'essentiel de ma carrière ici, ont les mêmes difficultés pour tourner leur spectacle, pour le créer, mais elles sont quand même beaucoup moindres. Donc, la chapelle du Verbe incarné est cette première diffusion, parce que c'est d'abord une première diffusion création. Léon dit qu'elle peut jouer 4, 5, 6 fois, mais que les 4 fois où elle va jouer, elle va sortir de la boîte noire. Ça veut dire qu'elle va avoir un dispositif plus léger. Comment faire pour venir en France où il n'y a que des boîtes noires, n'est-ce pas, et qu'on vous considère comme étant une professionnelle parce que vous avez entraîné, vous avez professionnalisé votre spectacle? Donc, c'est toutes ces choses-là que nous souhaiterions voir changer. Bien entendu, c'est à nous, spécialistes, puisque nous sommes les spécialistes. Ce ne sont pas les petites personnes qui sont au ministère de la Culture qui peuvent nous dire quoi faire en copiant ce qui a été fait en Ardèche ou en Corrèze. Puisque, comme je répète, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, la Polynésie sont totalement différents. Nous avons besoin de solutions spécifiques et il faut bien qu'à un moment, le ministère de la Culture nous écoute. Je vous propose une petite pause avec Nicolas Mouin, comédien du Corps en obstacle. On ne voit pas assez ce qui se passe dans les autres chapelles de l'archipel France. Et le fait de pouvoir avoir un lieu iconique comme la chapelle du Verbe incarné, ça nous permet de voir ce qui se passe de l'autre côté de la France, j'ai pas habitude de dire. De soulever aussi les problématiques que rencontrent les artistes de l'autre côté de la France. De voir la créativité, ce brassage énorme de culture qui fait aussi partie de la France. J'ai dit peut-être 4 fois France. Attention, ça devient suspect. Donc, ça nous enrichit. Ça peut que nous enrichir. Anne Meyer, je vous voyais réagir tout à l'heure quand Guillaume Gay parlait d'une absence d'aide à la création financière. Comme on l'a souligné tous après ce tour de table, ce premier tour de table, l'inégalité de traitement entre les différentes régions, donc on a les territoires d'outre-mer, des départements d'outre-mer, mais encore une fois, on voit bien que l'État est prompt à envoyer des kilos de chlordécone sur certaines îles ou bien des bombes atomiques pour faire des essais nucléaires, mais par contre très lent pour répondre en termes de besoins. Qui concerne sa population, qui est celle de la France, donc même si elle est éloignée. Et en termes de création, dire les choses, ça a besoin d'être soutenu. Alors on voit bien que peut-être il y a une volonté politique de faire taire, mais en tout cas, voilà, on peut être que révolté, outré par ces différences de traitement entre les moyens qui sont octroyés aux différentes régions qui constitue la France, bien sûr. Léane, est-ce que c'est difficile de faire voyager un spectacle? Est-ce qu'on a des aides, justement? Oui, alors c'est vrai que, moi, comme je le disais tout à l'heure, il y a une vraie dynamique sur l'île de la Réunion. On a soif de s'exprimer et de créer, puisque la culture date de 30-40 ans, donc c'est encore tout jeune. Donc effectivement, depuis quelques années, il y a un dispositif qui s'appelle le FEAC. On contacte donc chaque DRAC et on peut donc demander des aides à la mobilité, au billet d'avion, s'il y a une vraie tournée derrière. Donc un certain nombre de dates importantes, en tout cas, enfin pas une ou deux, il faudrait au moins en avoir au moins, je sais pas, c'est pas encore tout à fait chiffré, mais à partir de, ça dépend des lieux et du festival ou du théâtre. Et il y a aussi, nous en tout cas à La Réunion, des aides de la région, parfois aussi sur l'export, où ils considèrent que c'est bien que des compagnies de La Réunion puissent sortir. Moi, ce que je tiens à souligner, c'est aussi le fait qu'on doit prendre un avion. Donc, on ne peut pas facilement emmener tout le décor. Ça veut dire racheter le décor sur place quand on vient en France continentale. Ça veut dire aussi vraiment se poser toutes ces questions-là. Quand on part en tournée, savoir louer des camionnettes, savoir prendre le train. Peut-être avoir une compagnie sur place qui accompagne tout ça. Je précise. Parce que des fois, rien que de se poser des questions du genre, quand on est en tournée, entre deux tournées, du lundi au mercredi, on est donc logé et hébergé chez des amis, puisqu'on est à 10 000 km de chez nous. Et en même temps, c'est quand même extraordinaire de savoir qu'on a des aides au billet d'avion. Souvent, quand on arrive à piquer la curiosité de programmateurs qui ont envie de voir nos spectacles, voilà, moi, ça m'est arrivé donc de tourner un peu et j'étais vraiment ravie de ça. Et bien, du coup, on a fait le choix de leur dire de mettre en gros et en gras sur les plaquettes qu'on était financé pour les aides pour l'avion. Parce que souvent, ils ont peur de devoir payer les frais d'approche dans ce sens-là, alors que nous, toutes les salles à La Réunion le font. Toutes les salles de La Réunion qui achètent des spectacles de métropole prennent en charge les billets d'avion. Pourquoi ça ne marche que dans un seul sens? C'est une vraie question. Oui, c'est moi qui ricane, Greg. Je ricane parce que je connais la réponse. Hein. Il est évident que j'ai affaire à un ministère qui est éminemment raciste. Alors je sais que le mot vient d'être rayé de la Constitution, paraît-il. Il n'en demeure pas moins vrai que les gens qui aujourd'hui sont à la tête du ministère de la Culture, s'ils ne se penchent pas plus sur ce problème-là, c'est parce qu'ils n'en ont rien à cirer. Et s'ils n'en ont rien à cirer, c'est parce que les populations qui sont là-bas ne les intéressent pas. Et si les populations qui sont là-bas ne les intéressent pas, parce que ce sont des gens qui ne considèrent pas que ces gens-là devraient être français. Donc pour moi, c'est soit de l'exclusion, et elle n'est plus silencieuse, parce que nous sommes assez nombreux à dire ce que nous pensons. Nous sommes assez... Ça fait depuis longtemps que cette chapelle du Verbe incarné existe. Je répète encore une fois, le ministère de la Culture mesure les aides qu'il donne. Il a enlevé 4 000 euros de subvention à la subvention qu'il nous accorde. On se demande pourquoi 4 000 euros, il aurait dû tout prendre. C'est... Malheureusement, je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir dire, comme nous avons fait les deux premières années, nous l'avons fait toute seule, cette chapelle. Nous avons invité les compagnies toutes seules, tout seul. Et c'est parce qu'ils ont vu que nous avons fait cet effort-là particulier en tant que citoyens qu'ils ont décidé d'agir. Le ministère de l'Outre-mer nous a suivis, là aussi, pas dès le début, mais il nous a suivis, et le ministère de la Culture après. On sait très bien qu'on ne peut pas être diffusé en Guyane. On sait bien qu'au bout de 5 fois, c'est terminé la diffusion à La Réunion. On sait bien que pour la Polynésie, une fois qu'il aura joué à Papeete 2 fois, aller au Gambie, aller dans les îles de la Société, aller aux Marquises, mais ça, c'est terrible d'exiger ça de créateurs parce que simplement ils ne sont pas de l'Hexagone. Moi, j'ai un problème avec mon pays de ce côté-là. Voilà, c'est ce que je tenais à dire. C'est d'où mon ricanement. Le théâtre de la Chapelle du Verbe incarné, c'est un vrai lieu de rassemblement et de diffusion. Grégory, est-ce que vous connaissez d'autres lieux de ce type-là? Ben, il y avait un projet qui semblait intéressant, mais qui va disparaître, c'est le Tarmac. Le Tarmac n'était pas pour les départements. Non, ce n'était pas nécessairement pour, hein, mais il y avait comme ça l'idée de programmer, d'ouvrir un petit peu, de bouger les lignes, mais là, il reste, à part la chapelle, c'est un peu complexe sur le territoire hexagonal. Mais je veux rebondir sur ce que disait Greg, c'est vrai que c'est complexe. J'avais participé en 2008... au RIDA, au Rencontre interrégional de diffusion artistique, qui était organisé à l'archipel, à la scène nationale de Guadeloupe. Et donc c'est l'ONDA qui organisait ça, l'Office national de diffusion artistique, pour questionner justement la circulation des œuvres, des artistes. Et on avait fait le constat à l'époque qu'il y avait une aide pour les artistes de l'Hexagone qui venait diffuser dans les territoires ultramarins, mais par contre l'inverse n'existait pas. Du coup, on avait été, ça avait été assez tendu, les échanges, avec des beaux moments de paroles exprimées quand même très fortes. Et puis c'est peu de temps après quoi qu'il y a eu le FEAC. Non. Il y a combien d'années, Grégory? C'est il y a 10 ans à peu Alors, près. Le FEAC, il est né comment? Je vais vous le dire, puisqu'il faut bien à un moment que les choses se disent. Lorsque nous avons ouvert la chapelle du Verbe incarné en 1998, en 1997, en novembre, je suis allé voir le ministère de l'Outre-mer en leur disant, voilà, 98 va arriver, c'est le 150e anniversaire de l'abolition, de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, et il serait bien, parmi les fêtes que vous avez décidé de faire, c'était à cette époque-là le gouvernement Jospin, ça serait bien qu'il puisse y avoir quelque chose pendant le temps fort du spectacle vivant à Avignon, puisque c'est là que ça se déroule au mois de juillet. On m'a dit, ouais, c'est une très bonne idée, mais comment on va faire? Alors, depuis 1997, j'avais préparé le coup, j'étais allé voir la mairie, j'avais demandé à la mairie un lieu, j'en avais visité plusieurs. Celui-là, nous nous étions arrêtés dessus. Il était complètement en déshérence, occupé par les Restos du Cœur l'hiver. Il avait été transformé maintes fois depuis la Révolution. Il n'y avait rien, évidemment. Donc, quand ils m'ont dit oui, nous avons décidé avec notre propre argent d'engager des travaux. On en a fait une salle de théâtre, pas celle que vous voyez maintenant, parce que les moyens étaient vraiment très réduits. Mais nous avons décidé quand même d'ouvrir. Et puis, au mois de février ou de mars, on nous a dit qu'on ne nous soutenait pas. Le ministère de l'Outre-mer, auquel je m'adressais, nous a dit qu'il ne nous soutenait pas. En fait, c'était simple. On demandait 200 000 francs à l'époque. Je sais bien que pour les gens qui ont moins de 20 ans, ça ne veut rien dire. On demandait 200 000 francs, ça équivaut à peu près à 30 000 euros pour pouvoir ouvrir une salle pour recevoir les compagnies d'outre-mer. On nous a dit non, on ne peut pas faire, vous ne pouvez pas recevoir comme ça des compagnies. Comment, dites-nous combien ça va coûter pour les héberger, pour les payer, pour, enfin bref, faire le in quoi. Ben, on a dit ça va coûter 2 millions, c'est-à-dire 350 000 euros. Et on nous a dit, écoutez, on ne peut pas vous donner 350 000 euros. Donc, on ne peut pas vous donner 350 000 euros, mais on ne veut pas non plus vous donner 200 000 euros, donc on ne vous donne rien. Puis nous avons parlé de la situation dramatique et on a décidé, à ce moment-là, dans la LOUM, la loi d'août sur l'outre-mer, on a décidé de faire en sorte qu'il y ait un fonds d'échange. Les deux premières années, ce fonds d'échange, Madame Nouchkine a bénéficié de 80% de ce fonds d'échange. L'année d'après, une dame qui s'appelle Sophie Lukaszewski a eu 20% pour aller faire des études comparées entre les danses et le tambour, entre l'océan Indien et les Antilles. Jusqu'à aujourd'hui, la chapelle du Verbe incarné, jusqu'à il y a 3 ans, la chapelle du Verbe incarné recevait de l'argent du FEAC. Or, le FEAC, si vous vous souvenez bien, c'est comme ça que ça s'est appelé, on n'avait pas le droit de faire des demandes pérennes. Donc, c'est-à-dire que chaque année, et depuis cette date-là, chaque année, la chapelle du Verbe incarné doit faire un dossier, doit déposer le dossier auprès du ministère de la Culture, auprès du ministère de l'Outre-mer, pour pouvoir recevoir des compagnies d'Outre-mer. Si ça, ça n'est pas un traitement profondément raciste décidé à vous faire abandonner la partie depuis 21 ans, qu'on joue ça 21 ans, hein, c'est pas hier, c'est destiné à nous faire abandonner cet endroit qui est un petit peu réservé à l'outre-mer. Donc, alors, je vais encore une fois remercier le ministère de l'outre-mer qui fait de vrais efforts alors que ça n'est pas véritablement dans sa mission. Je ne vais pas remercier le ministère de la Culture ou du bout des lèvres parce qu'il donne quand même s'il a enlevé 4000 euros, mais un jour il va falloir qu'il m'explique pourquoi. Et surtout, je voudrais dire merci à la municipalité d'Avignon qui, quelle que soit la couleur politique de cette municipalité, a tout de suite bien compris qu'exclure une partie de la population française, ça n'était pas bien. Laetitia, de votre place de directrice de lieu à Paris, comment est-ce que vous percevez ces différences de soutien ? On peut être que ému de ce que dit Greg avec force véhémence, comme je lui connais. Mais je pense qu'il traduit... il traduit le mépris. Alors moi, je ne dirais pas que le ministère est raciste. Je ne le pense pas d'abord, mais dans ce qu'il traduit, je pense qu'il traduit avec force le ressenti qui est palpable. Moi, toutes les fois où j'ai été en Martinique créée, où on peut parler avec des artistes, là, on est... entre gens civilisés, comme on dit, et on fait circuler la parole, mais on sent que quelque chose gronde et que cette frustration ne va pas être tenable, aussi parce que les compagnies maintenant s'emparent de l'outil de la production, de la diffusion, c'est-à-dire que les créateurs ne sont plus simplement des créateurs, mais constituent eux-mêmes leur dossier, comprennent l'architecture économique de leur projet, ont envie de développer leur projet, ont envie de se professionnaliser. Et donc, nous, c'est ce qu'on essaye d'accompagner au Plateau Sauvage. Mais du coup, on ne peut plus la leur faire, d'une certaine manière. Donc, ce ressenti qu'il y a par rapport à l'outre-mer, je peux le voir aussi d'une manière un peu générale par rapport à l'émergence, sur une façon d'être accompagné. Et du coup, effectivement, moi, je suis un petit peu interdite, parce que c'est vrai qu'en étant à Paris, on bénéficie de cette exposition, ça circule beaucoup plus vite. Je mesure en fait, avec tout ce que j'entends, les différences de traitement. Et ça donne que envie de s'intéresser un peu plus. C'est un petit peu dans ce que disait Greg. Je pense qu'il y a des enjeux de mutualisation qui sont à trouver, de faire ensemble. De toute façon, maintenant, tous les lieux en décentralisation, quels qu'ils soient, sont dans cette dynamique-là. Mais en même temps, la mutualisation ne doit pas masquer un manque de moyens parce que souvent, c'est un peu l'art de la débrouille. Et du coup, finalement, tout le monde se satisfait un peu de la débrouille. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué. Donc effectivement, il y a à inventer un autre système ensemble parce qu'on sent que ça gronde, que ça ne va pas et que personne ne se satisfera de ça à terme. Guillaume, qu'est-ce que ça vous apporte de venir défendre votre spectacle à Avignon dans un lieu comme celui-ci aujourd'hui ? Ben, ça nous apporte évidemment une visibilité auprès des spectateurs, porter cette parole qui est la nôtre auprès des autres citoyens de France. Et puis également, évidemment, une visibilité auprès des professionnels. Ce qui est formidable ici, au-delà même de la dynamique dont on est en train de parler, hein, c'est-à-dire que le fait qu'on fasse front, qu'on soit ensemble, qu'on échange aussi sur les difficultés qui sont les nôtres, au-delà de toute cette belle énergie, il y a, moi, je voudrais souligner l'engagement de la Chapelle par rapport à la co-réalisation, c'est-à-dire qu'on parle... Voilà, on est ici dans une structure qui nous accompagne pleinement et qui prend des risques financiers avec nous, risques qu'on ne serait pas en mesure de prendre par ailleurs, dans un climat du Festival d'Avignon qui devient de plus en plus commercial, où chacun s'attache à gagner de plus en plus d'argent, dont les théâtres, avec, on le voit souvent, des dispositifs techniques qui ne sont absolument pas appropriés, avec... Voilà, plein de manquements à plein d'endroits. On a besoin, nous, de théâtre en ordre de marche. Hein, c'est le terme approprié. Et bien souvent, on paye très très cher des créneaux pour ne pas avoir ce service. Ici, on est dans une toute autre dynamique. Je pense que tout le monde a compris en entendant Greg dans quelle dynamique il s'inscrit. Donc voilà, cet apport, cette aide de co-réalisation est extrêmement précieuse, au-delà même des réseaux, c'est-à-dire aussi des médias qui s'intéressent depuis, puisque ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que la Chapelle est ouverte. Donc il y a une vraie visibilité en fait par rapport à cette offre d'outre-mer. Donc nous, par rapport aux propos qui étaient le nôtre, on est venu jouer plusieurs fois hein, au Festival d'Avignon. Nos précédentes créations étaient évidemment inspiré de la société polynésienne. Au-delà de ça, les propos n'étaient pas voilà, auraient pu naître ailleurs. Donc je n'avais pas cette même volonté en fait d'afficher mon spectacle ici. Là, les champions de Paris, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, ça a trait aux essais nucléaires, aux nombreux essais nucléaires, aux 193 tirs qui ont été menés en Polynésie. Ça avait un sens plein que d'être ici et que de partager cette parole avec d'autres paroles ultramarines. Pardon, Guillaume, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Guillaume, parce que j'ai été pendant près de 9 ans, d'abord vice-président, puis président du Festival OFF. Pourquoi une compagnie de théâtre vient-elle à Avignon ? Elle vient pour 3 raisons. La première raison... Je dis une compagnie de théâtre lambda. La première raison, c'est pour diffuser son spectacle. Il n'y a pas en France d'endroit où on reçoit autant de diffuseurs de spectacles vivants qu'à Avignon. Ils étaient, lorsque j'ai abandonné la présidence en 2015, à environ 2600 français et étrangers. On vient aussi pour pouvoir jouer dans la durée. En France, un spectacle se joue en moyenne 7 fois. Je dis bien en moyenne, il se crée grosso modo 6000 pièces de théâtre en France chaque année. Donc on vient pour jouer dans la durée. Jouer dans la durée permet de professionnaliser les équipes, permet à un metteur en scène de mieux voir son travail, permet à un auteur de mieux sentir l'effet de son écriture sur le public qui vient, et permet aux acteurs et aux techniciens évidemment d'aller plus profondément dans leur rôle. Puis la troisième raison, pour éventuellement avoir un article de presse. Alors ça devient de plus en plus problématique. Il y a 1568 compagnies, je crois, ou quelque chose comme ça, spectacle en tout cas. Et donc, comme il y a de moins en moins de place dans les journaux pour la culture, que ce soit Le Monde, Libé de toute façon ne couvre jamais le off, ou très peu, puisque ce sont des journaux qui sont là que pour le in. Je parle de la Provence, de Vaucluse, de Midi Libre, etc. Ils ont beaucoup de mal. Donc ça, c'est pour une compagnie lambda, j'allais dire normale, blanche, française, de l'Hexagone. Pour les autres, ce que nous sommes, ça permet un petit peu plus de choses. Bien entendu, essayer la diffusion du spectacle, mais ça permet aussi de confronter son écriture, sa mise en scène au regard d'autres publics. Je prétends, moi, qu'on ne fait pas du théâtre en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, comme on fait à Strasbourg ou dans l'Île-de-France. Chez nous, par exemple, beaucoup, le théâtre est chanté, beaucoup, dans le théâtre, il y a du chant, je veux dire, il y a de la musique, ce qui n'existe plus en France. La deuxième raison, de voir des nouvelles techniques à l'œuvre. Parce que quand un acteur, quand un metteur en scène qui est en Guyane ou en Polynésie vient en France, dans l'Hexagone, pendant le festival OFF, il peut voir peut-être, je sais pas moi, 10, 12, 15, 20 pièces de théâtre s'il veut. Alors que si vous habitez la Guyane ou même la Réunion, si vous voyez 5 pièces de théâtre différentes dans l'année... C'est énorme. Je ne parle même pas de la Guyane, je ne parle pas de la Polynésie, etc. Et puis ensuite, ça permet aussi, c'est ça, des perspectives de diffusion qui sont absolument inenvisageables dans notre département. Et enfin, ce dont tu parlais, Laetitia, c'est de croiser les regards avec d'autres créateurs, avec d'autres imaginaires qui permet justement de tenter la mutualisation. Une des choses que cette chapelle veut faire, si le ministère de la Culture décide de nous écouter, c'est de faire de cet endroit un centre de ressources qui pourra éventuellement recevoir des compagnies qui voudraient venir en résidence, échanger des projets avec d'autres créateurs, pas seulement des départements et territoires d'outre-mer, mais aussi de France. Il y a beaucoup de metteurs en scène français, d'ici, normaux, blancs, qui sont prêts à travailler avec nous parce que ce sont des gens qui aiment le spectacle vivant et nous pouvons faire des échanges comme ça. C'est ce que nous avons proposé au ministère de la Culture, qui, comme d'habitude, je vous dis, on lui a proposé ça, il nous a enlevé 4000 euros. C'est absolument génial, quoi, parce qu'on propose un truc qui n'a même... Et on nous enlève de l'argent. Léon, ça a du sens de venir défendre Cala dans un lieu comme celui-ci aujourd'hui? Ah oui, complètement. Ben, c'est vrai qu'on ressent une vraie solidarité, comme soulignent tous mes confrères à cette table, parce qu'on sait qu'on vient tous de très très loin, et on a vraiment envie de jouer nos spectacles. Et en même temps, ce sont des publics très très différents. Nous à La Réunion, le public est reconnu pour être un public chaleureux et un public très réactif. Ici, le public est plus froid, plus distancié. Donc des fois, on se dit, c'est bizarre, ça ne réagit pas. Mais c'est aussi tout le challenge. Parce que forcément, comme on est influencé par là d'où on vient dans mon spectacle, il y a un peu de créole. Donc forcément, sur les endroits où il y a un peu de créole, les gens vont moins réagir qu'à La Réunion. Mais en même temps, sur l'émotion que les gens peuvent partager, je ressens que c'est quelque chose d'universel. Et ça me touche de plus en plus. Il y a des retours de qualité. Parce qu'effectivement, comme a dit Guillaume, c'est un peu la foire culturelle artistique vivante à Avignon, quand on n'a pas trop l'habitude, ce qui est un peu mon cas, c'est que ma deuxième fois avec la compagnie Baba Chiffon, en tout cas, parce que ma première fois, je suis tout émue, c'était à mes débuts de comédienne en 2002, ici. Et entre-temps, j'ai monté la compagnie et on a attendu d'être solide. D'être solide, ça veut dire quoi? Avoir une chargée de production, de diffusion professionnelle qui nous accompagne. Il y a énormément de compagnies qui n'ont pas ça. Et d'ailleurs, les aides de l'État, vous n'êtes pas aidés si vous n'avez pas une équipe, entre guillemets, avec vous. Ça veut dire qu'il faut aussi remplir un cahier des charges, mais qui pour eux est cohérent, parce que le cahier des charges, il est fait où? Il vient d'ici et souvent de Paris. Et c'est vrai que les compagnies ici ont toutes au moins un administrateur, un chargé de production, de diffusion, voire un tourneur. Oui, parce qu'il y a des diffuseurs ici. Oui, et ce qui va être intéressant pour nous, moi, comme a dit Greg tout à l'heure, j'ai aussi participé parfois à La Réunion, à des RIDA, et même ici, parce que je suis intégrée dans un réseau jeune public large, de la maternelle au lycée, on était au festival Petits et Grands à Nantes, j'ai entendu des professionnels parler, et ils m'expliquaient qu'en fait, il y avait une... tellement pléthore de propositions artistiques en France qu'ils n'avaient pas le temps et l'énergie de penser à nos créations à nous. Parce qu'on a quand même une trentaine de créations jeunes publics à La Réunion depuis quelques années. Et il y en a vraiment de grande qualité qui tournent, mais il y en a qui n'ont pas l'occasion d'être connus. Et en fait, quand j'ai entendu ça, j'ai compris qu'ils étaient tellement sollicités sur le territoire depuis qu'en plus il y a Internet et les mails, que c'était une vraie réflexion que j'avais. Je me disais, mais comment piquer leur curiosité? D'autant plus qu'ils vont comparer nos spectacles à ceux qu'ils voient déjà, qui ont déjà un niveau de performance artistique et de choix scénographique que nous, on ne connaît pas, parce qu'on est très loin. Et puis, comment être toujours comparé au niveau de code artistique culturel, être toujours comparé à ce qui se passe, entre guillemets, en France continentale? Ça, ce n'est pas toujours évident à vivre. Nous, chez nous, par exemple, des codes interactif, ça se fait sans enlever le rêve au spectateur. Un professionnel m'a déjà dit, un programmateur, si vous faites de l'interactivité, vous cassez le rêve du spectateur, il n'est pas bon. Et j'ai dit, ah bon, mais nous on fait ça depuis toujours chez nous. Donc j'ai bien compris qu'il y a des codes. Donc parfois, quand je viens jouer ici, j'enlève certains codes de chez moi, mais peut-être que peut-être mes collègues peuvent dire comment ils se ressentent eux. Il y a des choses, par exemple, forcément à La Réunion, il y a quelque chose de l'ordre de la spontanéité que le public a, puisqu'il est un peu frais. Et ici, en France, il y a un côté plus, j'ai envie de dire, quelque chose de différent. Guillaume et Grégory, vous vouliez rebondir sur ce que Léon disait ? Oui, enfin, moi, je voulais rebondir sur ce que disait tout à l'heure Greg par rapport à... par rapport à des besoins de résidence, puisque moi, je témoigne évidemment de ce qu'on vit en Polynésie française. Je parlais vous tout à l'heure de... Vous devez louer des théâtres pour pouvoir répéter. Oui, c'est ça. Effectivement, je parlais de l'absence d'aide à la création, mais cela va jusque, effectivement, être dans l'obligation de pouvoir louer des espaces techniques et donc des théâtres, puisqu'il n'y a pas de lieu réservé en fait à la résidence. La résidence, hein, c'est de pouvoir avoir un lieu équipé, un plateau technique pour pouvoir créer un spectacle. Donc nous sommes obligés, nous, de notre côté, eh bien, effectivement, de louer, donc de trouver des fonds pour pouvoir avoir des espaces, pour pouvoir exprimer notre créativité artistique, et même de venir jusqu'en métropole, c'est-à-dire de pouvoir trouver des structures d'accueil, c'est-à-dire des théâtres dans lesquels on a déjà tourné, qui nous mettent à disposition, parce qu'ils ont apprécié effectivement notre travail, et qui nous mettent à disposition des lieux pour pouvoir créer. Ce qui est quand même une aberration, c'est-à-dire qu'on ne peut pas créer chez nous, on est obligé d'aller créer, ça nous arrivait sur bon nombre de nos spectacles, d'aller trouver des structures d'accueil en métropole pour pouvoir créer. Et puis je voulais rebondir aussi sur ce que disait Greg aussi tout à l'heure sur cette nécessité de pouvoir partager, de pouvoir aller à la rencontre de l'autre, des autres créateurs, de pouvoir voir des spectacles, de pouvoir trouver juste une source aussi à notre créativité. On a des besoins importants aussi de formation, d'accompagnement de nos formations. On est tous formés, mais on a besoin toujours d'une formation constante. Voilà, la formation, en tout cas chez nous, hein, je ne parle que de la Polynésie française, est absolument absente, totalement absente, jusqu'à ne pas trouver de créateur lumière. Là aussi, pour notre spectacle Les Champions de Paris, on est obligé de faire appel à un créateur lumière qui vient de la métropole, dont on paye le séjour en Polynésie. Enfin, c'est une aberration totale. On ne trouve pas... Alors, je parle de créateur lumière, mais je parle maintenant de régisseur. C'est-à-dire que nos régisseurs, puisqu'on en a deux, sont deux régisseurs qui sont de métropole, puisqu'il y a les quelques régisseurs qui sont en Polynésie sont affectés à des structures, hein, le petit théâtre et le grand théâtre de la Maison de la Culture, ou bien s'ils sont en freelance, sont extrêmement occupés en fait par des structures permanentes et donc du coup ne sont pas en mesure d'accompagner nos tournées. Nous, on a sur ce spectacle, on a à peu près fait une quarantaine de dates en Océanie avant de venir ici à Avignon, donc il y avait matière à tourner, il y avait matière à employer des gens, mais il n'y a pas les compétences localement, parce que tout simplement, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de formation. Oui, je suis complètement d'accord sur le besoin de formation qu'on a dans l'outre-mer. C'est très, très, très important de le souligner parce que pendant des années, nous, les intermittents qui arrivons à vivre sur l'île, par exemple, on paye des droits AFDAS. Or, il n'y a pas de stage AFDAS à La Réunion. Et voilà, elle me fait le signe qu'en Guyane non plus. Mais à un moment donné, il faut parler de formation professionnelle. C'est une chose bien connue. Je vous dis que... je crois que j'emploie beaucoup, et depuis longtemps, le mot bantoustan. Pardon de t'avoir interrompu, Léon. Mais je pense qu'ils ne comprennent pas bien. Il faut dire racisme. Bantoustan, ça ne sert à rien de dire ça. C'est du temps de l'apartheid, tu vois, le bantoustan, on te donne des choses, mais pas trop, pour pas que tu te développes trop, et puis on te donne pas tout, et puis on te fait payer des choses parce que vous payez l'AFDAS en Guyane et à La Réunion, mais vous n'avez pas l'AFDAS. Bon, donc, c'est pas bantoustan, il faut arrêter, je bannis ce mot désormais, j'appelle un chat, racisme. Parce que ça n'est pas, je comprends pas ce que ça peut être autrement. C'est comme un oubli, c'est comme si tu avais oublié. Tu n'existes pas à leurs yeux. Oui, moi je voulais rebondir sur ce que disait Léon tout à l'heure par rapport aux esthétiques. C'est vrai que la création dans les territoires ultramarins va prendre son essence dans des cultures, dans une certaine approche finalement de l'art de la parole et de l'art de raconter par le corps, ou avec que ce soit dans les traditions contées ou que ça va prendre son essence dans des choses fortes, et ça impacte forcément l'écriture de plateau, l'écriture dramaturgique. Et il y a quelqu'un de l'appareil de l'État, le ministère de la Culture, qui a vu le spectacle hier et qui disait « Ah mais tiens, c'est très chouette, c'est très poétique, très, très, très onirique, mais il y a vraiment quelque chose de très mystique et qu'on retrouve avec... Il y avait une autre compagnie qui avait joué avant, pareil, c'était un peu mystique, on se retrouve comme ça. » Et il parlait d'une forme d'identité, en fait, de spectacle. Et il m'encourageait, il me disait « Écoute, ton écriture, elle est très intéressante, ce serait bien que tu... Du coup, que tu mettes au service cette poétique et ces propos philosophique sur quelque chose du social, du réel. » Et là, j'entendais très bien aussi, j'ai vu beaucoup de pièces comme ça, en effet, et tu disais que parfois, tu ramenais un petit peu au public d'ici, les créations, tu ramenais un petit peu quelque chose qui puisse parler peut-être au public. Disons que ce que j'essaie de te dire, c'est que la compagnie fête ses 14 ans et je sais qu'il y a des créations que je n'aurais pas amenées à Avignon. Ouais, j'entends. Je pense que celle-ci peut, parce qu'il y a vraiment une largeur dans la manière, dans l'écriture. Et c'est ce qu'on a souhaité avec Serge Grondin et moi-même, de sortir. On avait envie, il est temps. On sent que c'est aussi un moment pour nous de vraiment d'évoluer. Mais on sent qu'il y a des créations où on va nous renvoyer trop fort, que c'est trop créole, que nos codes artistiques sont trop forts et que ça marche bien à La Réunion. Et mais j'ai pas ici. Trop. Voilà, tu vois. Et moi, je me demande justement, est-ce qu'il faudrait pas insister pour proposer justement des esthétiques différentes. Par exemple, il y a une tradition du conte chez les Teco, qui est un peuple amérindien, qui se fait... c'est des contes, le conteur, les personnes qui sont là, qui écoutent, sont dans des hamacs, et le conteur passe. Et c'est assez sensoriel, parce que c'est avec une lumière basse. Parfois, il a un instrument, une plume, et il va chatouiller sous le hamac pour quand il parle du jaguar. C'est une forme différente et c'est à partager, ça. Je veux dire, il faudrait peut-être pas se couper de ces choses-là pour amener un certain lissage, peut-être. Surtout pas. Ouais, surtout pas. Disons que c'est comme si on partageait nos doubles, triples, quadruples cultures sur une scène, parce qu'on est tout ça. Et en même temps, on met tous des jeans, des baskets. On est aussi, on est connecté avec Internet. Finalement, j'en arrive à me dire aussi, c'est pour ça que j'avais envie d'amener Kala ici. C'est pétri de cette légende créole qui a 250 ans, qui est née dans l'esclavage, cette femme qui se transforme en oiseau. Et en même temps, je raconte moi mon histoire aujourd'hui, femme de 2018. Et c'est ce que tu fais aussi, c'est ce qu'on fait tous. C'est comment on se raconte nous aujourd'hui, Anne? Moi, je crois qu'on est un endroit de résistance, à la fois par les formes de nos créations, c'est-à-dire des résistances tout simplement qui parlent de nos identités, de nos régions, de nos cultures. On est aussi un endroit de résistance, comme ici à la chapelle du Verbe incarné, où c'est résister que de faire exister ce lieu sur la durée, de proposer cet îlot qui nous permet à nous de venir jouer et parler de ces lieux d'où nous venons. Et de nos cultures, et c'est aussi une résistance que de prendre des risques ensemble, c'est-à-dire sans beaucoup de moyens, se débrouiller, mais pour essayer encore et toujours de susciter l'intérêt de l'ensemble de nos compatriotes français et des pouvoirs publics pour soutenir la vivacité de la création dans nos territoires d'outre-mer. Oui, d'autant qu'il y a une vraie demande sur nos territoires, hein. Il y a une vraie fréquentation de nos lieux. Je connais que ma propre expérience, évidemment, en Polynésie, mais voilà, les théâtres sont pleins. Les théâtres sont pleins. Donc ça veut dire qu'il y a le public est là pour entendre nos paroles. Donc on ne parle pas là d'un petit théâtre résiduel, qui essaierait de survivre ou quoi que ce soit. Non, on parle de propositions qui dans nos territoires, trouvent un écho très large et qu'on souhaite effectivement pouvoir partager avec l'ensemble de nos concitoyens pour qu'effectivement les identités du peuple français puissent être représentées et qu'on ait une totale diversité des propositions culturelles, parce que je crois qu'on s'inscrit aussi dans un mouvement global. Moi, je pense aujourd'hui qu'il y a une planification un petit peu de l'offre culturelle. Je trouve qu'il y a une commercialisation de l'offre culturelle d'une manière générale sur le territoire français, de par l'absence de moyens et notamment dans la diffusion, dans la programmation. Tous ces théâtres qui ferment, tous ces théâtres qui aujourd'hui subissent des coupes budgétaires, tous ces programmateurs qui quittent leur poste au profit d'élus locaux qui ne connaissent absolument rien à la culture et qui vont programmer du vu à la télé ou de la tête d'affiche, ou etc., etc. Donc on s'inscrit, je crois, dans cette dynamique globale. Et donc nous qui sommes encore plus éloignés, on en paye les frais encore plus. Oui, je voulais rebondir sur quelque chose qu'il a dit de très très très fort. C'est aussi toute la complexité que nous parfois on vit quand on est né loin de la France hexagonale, c'est d'oser. Parce que des fois, quand on est né si loin d'ici, à un moment donné, on apprend tous ces codes-là à l'école, la société, elle bouge autour de nous. Mais par rapport à là d'où on vient, moi, ce que je ressens de mon territoire, c'est que d'abord, on observe, mais pendant longtemps, le monde s'est fait un peu sans nous, les lois se sont faites sans nous, et là, maintenant, on commence à y aller, et on a vraiment envie d'y aller, parce que pendant des années, on était un peu bridé par rapport à tout ça, et c'est d'oser. Et c'est ce que la chapelle permet, le fait de se rencontrer, d'avoir cette solidarité-là, il crée une porte, une vraie porte, pour qu'on puisse oser être là, parce que souvent, on nous dit, mais pourquoi vous osez pas? Parce que fondamentalement, c'est pas simple, en fait. Il y a quelque chose à débloquer. Moi, je sais que je ressens ça chez moi. Et quand je revois les autres collègues, il y a quelque chose que dans nos publics aussi, rien que l'idée d'aller au théâtre pour eux, dans les territoires éloignés à La Réunion, on est sur un volcan, il y a plein de gens qui ont envie, mais ils osent pas y aller. Mais Léon, c'était pareil ici, il y a 40 ans, il y a 50 ans, c'était pareil. J'avais 20 ans, je vous dis, j'ai joué dans des usines, j'ai joué à la cantine d'usine pendant que des gens qui... On disait le balcon de Genève, avec des gens qui mangeaient leur soupe en nous regardant, en disant qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là. On a fait ça et on a développé le théâtre en France parce qu'il n'y avait plus de théâtre en France. Le théâtre en France, lorsqu'il a été inventé, Molière, machin, les carrefours de rue, etc., la bourgeoisie, la royauté d'abord, puis la bourgeoisie a capturé le théâtre à son profit. Il l'a enfermé dans ce que Antonin Artaud appelle les inconcevables panthéons, c'est-à-dire des endroits tendus de rouge et de noir, fermés, où on était obligé de venir en cravate. Là, le théâtre était définitivement, à partir de ce moment-là, coupé du peuple. Il a donc eu ses codes bourgeois. Et Antonin Artaud a d'ailleurs écrit « Je suis allé déformer la citation, chercher ce qui a été un des moteurs de cette chapelle, c'est cette phrase d'Artaud, on peut commencer à tirer une idée de la culture, une idée qui est d'abord une protestation. Protestation contre le rétrécissement insensé que l'on impose à l'idée de la culture en la réduisant à une sorte d'inconcevable panthéon. Protestation contre l'idée séparée que l'on se fait de la culture, comme s'il y avait la culture d'un côté et la vie de l'autre. Et comme si la vraie culture n'était pas un moyen de comprendre et d'exercer la vie. C'est ça qu'il a dit... On est en 36, hein, Artaud. Hein. Donc on n'a rien inventé. Et cet îlot de résistance, vraiment, qui est la chapelle, permet justement, et j'espère bien, parce que avant de partir, on vous donnera le dossier qu'on a préparé pour cet avenir... De la chapelle du Vergne, pour cet avenir de nos cultures dans notre pays, ici dans l'Hexagone, dans la France occidentale, qu'on doit aussi irriguer comme les autres créateurs. Et surtout, une dernière chose, pour moi, faire preuve d'originalité, c'est aller à fond dans ses origines. Il faut venir avec du théâtre qui ne ressemble pas à ce que l'on fait ici. Peut-être que le ministère de la Culture ne va pas aimer. Ils ont fait un rapport sur la chapelle en disant qu'il y avait du carnaval ici. Ils n'ont rien compris, évidemment. C'est désolant. C'est vraiment désolant. Alors qu'il y a des... Les Polynésiens ne connaissent pas le carnaval, les Néo-Calédoniens ne connaissent pas le carnaval, les Réunionnais le connaissent à peine. Mais ils ont dit que c'était du carnaval qui se faisait ici. Deux inspecteurs du ministère de la Culture. Alors bon, au bout d'un moment, on se dit les gens ne voient pas, ou ils ont des œillères, ou ils n'ont pas envie de voir, tout simplement. Mais je vous promets qu'avant de partir, on va faire peut-être une émission sur l'avenir de la chapelle du Verbe incarné. Ça ne sera pas grand large, ça sera grand, grand, grand, très grand large, pour pouvoir le dire. Je vous remercie à tous d'être venus nourrir ce débat et je vous propose de finir en beauté avec un échange léger et drôle entre deux amis, Édouard Glissant et Jean Rouch. Parole d'Édouard Glissant. Une série radiophonique en 12 épisodes, présentée par Raphaël Laureau, en collaboration avec l'Institut du Tout Monde. Mars 1994. Alors que vient de paraître le roman Tout Monde, grande fresque romanesque de ses errances réelles et imaginaires, l'émission Le Bon Plaisir de France Culture consacre un documentaire à la vie d'Édouard Glissant. On l'entend ici dialoguer et surtout rire avec Jean Rouch, cinéaste rencontré au Musée de l'Homme dans les années 50, alors que Glissant y étudiait l'ethnologie. Outre la complicité, ce rire témoigne d'une amitié de 40 ans qui se prolonge à cette époque autour de Joséphine et Félix Guattari. La chose principale que je voudrais te dire, c'est que entre le cinéma de convention avec des scénarios bien ficelés et des machins, Jean Rouch a inventé sur la terre d'Afrique la caméra stylo, le cinéma. Et il a, je crois qu'il a permis l'éclosion du cinéma africain actuel. Et beaucoup de films africains d'aujourd'hui auraient été beaucoup plus hollywoodiens et scénarisés s'il n'y avait pas eu ton travail avant. C'est ça, cette époque était formidable. Parce que l'époque était extraordinaire. Extraordinaire, c'est vrai, on était là. Moi, je me souviens des premières réunions à présence africaine, tu vois, avec le cher Alioune Diop. Et toutes les discussions qu'on pouvait avoir là-bas, c'était extraordinaire. Je peux pas. Les circonstances précises de votre rencontre, dans quel cadre? Bon, j'étais au Musée de l'Homme, j'étais venu travailler ici, au Musée de l'Homme, je faisais mon certificat. C'était Jacqueline Grigaud, avec Jacqueline, qui était ton assistante. Et qui étaient des gens qui étaient ouverts sur tout, et ils voient arriver un grand gaillard, plein de talent. Et puis voilà, paf, il publie, il ramasse tous les prix du monde. Et ça y est. C'était l'époque où Édouard faisait de l'ethnologie et du cinéma. J'ai des études d'ethnographie. Bien sûr. Le roi Gourand m'avait demandé un jour à me présenter un objet qui était un couteau. M'avait demandé. Ça, c'est extraordinaire parce qu'aujourd'hui, on donnerait tout de suite la réponse. Mais à l'époque, comment sait-on si le manche est dans la lame ou si le manche entoure la lame? Parce que le tout était enveloppé de fils, d'acier, de fils. Comment sait-on? Je suis resté comme ça. Il me dit, on fait une radiographie. Alors il a rigolé. On fait une radiographie. Il n'avait pas pensé à ça. Oui, tu vois. Maintenant, tout le monde dirait, oui, on fait une radiographie. Mais à l'époque, ce n'était pas évident. Et c'était ça l'atmosphère du Musée de l'Homme. On te donnait une omoplate de vache et un morceau de dent de rhinocéros Ticorinus. Et puis les deux se ressemblaient tout à fait. Et on te disait, qu'est-ce que c'est? Et ça, il fallait être costaud, là. Il fallait apprendre. Hein. Il y avait les sœurs Rivet, tu te souviens pas? Et elles surveillaient les écrits. Or, elles avaient envie de faire pipi tout le temps. Alors, elles sortaient à ce moment-là. Comme ça, durait une minute. Il y avait une grande solidarité entre tout le monde. Alors, elles rentraient. Et c'est comme ça qu'on passait nos examens. C'était un grand lieu de rêve, ça. Vraiment, où le monde entier était là. C'était le tour du monde en 2 heures. Là où j'ai travaillé, moi, où j'ai préparé ma thèse, c'était là où Michel Léris était, dans les caves de l'Afrique. Et de temps en temps, Léris se mettait à rugir. Alors les gens disaient, non, il n'a rien, il est inspiré. Le lion rugit. Non, c'est des trucs formidables. Et avec le roi Gouan, dont tu parlais tout à l'heure, de temps en temps, quand on s'ennuyait, on tirait à l'arc avec les arcs des collections. Et lui était vachement fort. Il était fort. Ah oui. Non, c'était vraiment le musée de l'homme vivant, que l'on sait plutôt, un musée de l'homme un peu mort, tu vois. Et ça, c'est... Mais enfin, bon, nous, on est les seuls à tenir. Mais qu'est-ce qui a rendu l'ethnologie triste, d'après vous? C'est le passage obligé par le structuralisme? C'est le syndrome sciences humaines? C'est le vouloir être une science exacte. Et c'est, alors qu'on ne savait pas encore grand-chose, donc il a fallu faire des théories, etc. Et donc, on s'est un peu desséché dans des textes, alors que... Avant, les gens faisaient des collections, décrivaient des rituels, décrivaient des techniques. Le roi Gouran et tous ces gens-là, bon, qui étaient préhistoriens, ils te taillaient une hache. Taillée, eux-mêmes, en 3 secondes. Ils connaissaient toute la technique. Ils fabriquaient des faux merveilleux, quoi, qui n'étaient pas des faux, en fait. Ils achetaient. Donc c'était un... Et puis les gens... Il y avait autre chose, c'est que tout ça était lié à une histoire d'avant-guerre, qui était l'ethnographie moderne, était née en même temps que le surréalisme. Et la grande revue du surréalisme d'avant-guerre, publiée par Skira, qui était le Minotaure, publiait en même temps les relations de Griot, ramenant ses masques du pays d'Ogon. Donc il y avait une liaison. Léris, il écrivait des poèmes, c'est un des plus grands écrivains de cette époque. Il était dans son petit bureau, là, en train de faire en même temps, de s'occuper du département d'Afrique noire. Non, c'était une ambiance qui était, pour des gens comme moi, on était aux anges. Grand Large, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était Savannah Massé et à la technique Alice Baudouin. On se retrouve lundi avec les écrans du Tout Monde en compagnie d'Edoui Plenel, Nicolas Klotz et Denethem Twambona. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site verbeincarné.fr, également sur notre page Facebook et sur Aligre FM 93.1.